L'odeur d'usine, ce n'est pas tendre. C'est comme l'ambiance des cafés. À force de vivre et puis d'attendre un bonheur qu'on ne peut se payer. On se retrouve devant la glace avec la rancœur du passé. C'est vrai que la vie nous agace quand on ne peut plus en profiter. Le litron vide sur la table, ce n'est pas pour chanter demain, c'est juste pour partir en balade dans les mains froides du destin. Les repas qu'on prend en silence, c'est pas pour parler au bon Dieu, c'est juste pour calmer sa violence et s'endormir un peu plus vieux. La vieille qui pleure dans la rue, ce n'est pas comme au cinéma. Pour de l'argent, tu poses ton cul, tu souffres devant la caméra. Le mendiant qui pue et qui pisse, ce n'est pas comme tes pantoufles aux pieds. C'est l'amour qui fait la valise, c'est la solitude pour crever. Et les grands murs d'une prison, ce n'est pas avoir la rose au poing, ce n'est pas de la contestation, ni les grands mots de ton bouquin. C'est l'image de ta propre peur, de ce que tu ne pourras pas. Tu finiras enfant de cœur, tu resteras bien dans la loi. Et ton espoir que l'on enchaîne, ce n'est pas ta cravate à poils. Ce sont tes larmes, ce sont tes peines que tu gardes au profond de toi. Et la femme qui t'accompagne, ce n'est pas ton alliance aux doigts. C'est du soleil dans ton bagne, tu n'auras jamais vraiment froid. Et les yeux tendres de ton enfant qui te regarde avec douleur et qui méprise ses parents de ne pas écouter son cœur. Les habitudes que tu traînes t'ont refroidi jusqu'au profond. C'est un enfant que tu enchaînes pour dégueuler tes frustrations. Un bruit d'usine, ce n'est pas tendre. Ce n'est pas, tiens voilà des sous. C'est ton amour qu'on va te prendre, tu ne gagneras rien du tout. Un macabre mort pour la France, ça ne veut pas dire avoir raison. C'est le poids de ton inconscience qui étouffe tes illusions. C'est pas de la musique un réveil qui te fait sursauter au lit. C'est chaque matin comme la veille, à lire ce soir, ma chérie. Et tu remontes ta braguette comme on va jouer au tiercé. C'est vrai que l'amour c'est très chouette quand on le voit à la télé. Le cri d'usine, ce n'est pas tendre. Ce n'est pas il fait beau ici. C'est la mort qui va te surprendre et ta journée sera finie. Ta vie ne fut pas un voyage, c'est une erreur à ne pas refaire. C'est un bateau sans équipage qui n'aura jamais pris la mer. Nos vies ne sont pas des voyages. Nos vies ne sont pas des voyages.